Bonjour Tiffaine, aujourd'hui dans la compagnie, nous vous proposons une visite de l'exposition Bacon en toutes lettres, présentée à Paris au Centre Pompidou jusqu'au 20 janvier prochain. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Francis Bacon est toujours demeuré secret sur sa vie, préférant favoriser la légende autour de sa biographie plutôt que de l'éclairer trop crûment. Il racontait cependant volontiers la Première Guerre mondiale et les troubles en Irlande qui l'avaient beaucoup marqué durant son enfance, tout comme il fut marqué durement par la réaction de son père qui le répudia purement et simplement en découvrant son homosexualité. Cette vie, nous l'avons racontée lundi dernier, mon invité était Yves Perret. Et puis hier, avec Philippe Dagen, nous avons commencé à parcourir l'œuvre du peintre britannique, célèbre notamment pour ses grands triptyques. Enfin, demain, nous évoquerons le rapport de l'artiste avec les écrivains Michel Léris et Jacques Dupin. Ce sera en compagnie de Pierre Villard et de Dominique Viard. Et aujourd'hui, avec Yannick Hennel et Didier Ottinger, nous visitons l'exposition Bacon en toutes lettres qui se tient jusqu'au 20 janvier 2020 au Centre Pompidou. À Paris, nous allons parler en particulier des liens entre Bacon et les écrivains, car tel est l'angle que vous avez retenu en particulier. Didier Ottinger, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conservateur ici au Musée National d'Art Moderne. Vous êtes aujourd'hui le commissaire de cette exposition qui vient plus de 20 ans après la grande rétrospective de 1996 dans ce même Centre Pompidou. Mais ce ne sont pas les mêmes œuvres qui sont présentées aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'angle d'attaque est relativement différent, puisque l'exposition de 1996 était une rétrospective. Une rétrospective d'ailleurs particulière qui négligeait délibérément, partiellement, les dernières années de la production de Francis Bacon. Pour quelle raison ? Son commissaire, David Sylvester, me semble-t-il, au nom de son orthodoxie moderniste, pensait que le début de l'œuvre était l'apparition des grands thèmes chez Bacon, l'expérimentation technique première, était sans doute de plus haut niveau que celle de son œuvre tardive, comme on pourrait la considérer. Donc c'est le premier aspect. La deuxième particularité de l'exposition, vous l'avez dit, c'est qu'elle s'emploie à articuler les intérêts littéraires de Bacon et sa peinture. Et là aussi, ça lève beaucoup de questions sur les moyens en particulier dont on dispose pour rendre compte de ce dialogue entre le texte et l'image sous cette forme de la littérature. Donc les 20 dernières années, ça correspond aussi à une autre exposition, puisque finalement, vous commencez ici avec l'année 1971, qui est l'année d'une grande exposition à Paris, au Grand Palais, qui était du vivant de Francis Bacon. Alors là, quel était l'enjeu de cette exposition à l'époque en 71? Cette exposition présentait un enjeu absolument majeur, capital pour Francis Bacon. D'abord parce qu'elle avait lieu à Paris. Paris a toujours été pour Francis Bacon le lieu où il pensait que sa peinture, si elle devait l'être, serait reconnue. Ce qui faisait d'ailleurs rire beaucoup ses contemporains, y compris David Sylvester, qui disait « Bacon est le seul à penser dans les années 70 que Paris est encore la capitale des arts ». On pensait à l'époque qu'il y avait une légère translation du côté de New York. Bacon pensait différemment. L'autre enjeu pour lui de cette exposition, c'est qu'elle prenait place au Grand Palais quelques années après une autre exposition mémorable qui était l'hommage rendu par l'État français à Picasso pour ses 85 ans. Donc, une présence de Bacon qui le situait d'emblée à un niveau qui pouvait au moins être celui de Picasso. Alors l'autre événement évidemment lié à cette exposition de 1971, c'est le décès de son compagnon, George Dyer, qui est victime d'une overdose de barbiturique quelques jours avant l'inauguration de l'exposition. Et la conjonction de cet événement capital pour Bacon, qui est celui du déploiement pour la première fois de sa vie de l'intégralité de son œuvre, qui lui permet évidemment d'en mesurer les impasses, les errements, et de dessiner le nouveau chapitre qui s'ouvre devant lui, plus cet événement de nature émotionnelle, on pourra en reparler, qui est la mort de son compagnon d'ailleurs, fait que cette année 71 peut apparaître, je pense légitimement, comme une véritable date charnière dans l'œuvre de Francis Bacon. Donc au fond, dans tous les tableaux qu'on va voir, il y a ce terrible traumatisme qu'est la mort de son compagnon. Alors, c'est à la fois un traumatisme, mais c'est aussi un traumatisme libérateur. On va voir qu'il y a véritablement un changement d'atmosphère. C'est-à-dire qu'avant, Bacon est encore marqué par, disons, tous les stéréotypes que l'on continue à accoler à son œuvre. La matière un peu, la viande, la chair, même la toile, etc. C'est-à-dire un registre soit assimilé à l'existentialisme, soit, ce que détestait absolument Bacon, à l'expressionnisme. Là, on va voir qu'en 71, se passe quelque chose qui oriente la peinture de Bacon vers beaucoup plus de maîtrise, de virtuosité, et on pourrait dire aussi de sérénité. C'est assez terrible, en fait, ce que vous dites sur, finalement, la mort de Dyer qui apporte de la sérénité. Je ne sais pas si c'est terrible. En tout cas, quand on regarde la biographie de Francis Bacon, on est frappé par, effectivement, la violence de ses relations, en particulier amoureuses, avant 71. Il est à la recherche de compagnons qui vont le dominer et avec lesquels il va avoir une relation extrêmement masochiste, sans doute liée à ce souvenir oedipien qui est sa passion pour son père, ancien officier de l'armée anglaise, qui découvre que son garçon est homosexuel et donc le fait rouer de coups par des palefreniers. Mmh. Et la relation de Bacon à cette figure paternelle aimée est nourrie de cette relation presque violente. Et c'est quelque chose qu'il va chercher avec une longue histoire qu'il aura avec un ancien pilote de chasse de la RAF, Peter Lassie, qui, on le sait, le rouait de coups. Ouais. Avec George Dyer, c'est à peu près la même histoire. Et à la mort de Dyer, c'est fini. Les nouvelles relations de Bacon, on le verra aussi dans les tableaux, avec John Edwards en particulier, sont sous les auspices de la douceur, de la tendresse, de la gentillesse. On n'a plus du tout ce même type de relation. Alors Didier Ottinger, 1971, le Grand Palais, 1996, le Centre Pompidou. Aujourd'hui, encore le Centre Pompidou. Est-ce qu'on peut parler d'une passion française pour Bacon? Est-ce que Bacon avait raison de considérer Paris comme la capitale de son art? Alors, oui, en effet, Paris a reconnu Bacon de façon très précoce, puisqu'en 1971, donc au moment de l'exposition du Grand Palais, un magazine d'art de l'époque se livre à un sondage auprès du très large public, et la figure de l'artiste le plus important de l'époque, vivant, c'est Bacon. Je vous précise quand même que Picasso avait été écarté. Donc il était déjà reconnu par le grand public, là aussi petit hiatus, avec le public spécialisé de l'époque. Ensuite, effectivement, il y a cette commémoration nationale, et puis il y a ce dont un petit ouvrage rend compte en marge de l'exposition, de la façon dont Bacon a fécondé la littérature et la pensée française des années 70. C'est absolument phénoménal de constater que de philosophes comme Gilles Deleuze à des écrivains comme Hervé Guibert, à des psychanalystes comme Didier Anzieux, on a une constellation d'écrivains, et je vous passe Solers, et je vous passe Kundera, etc., ou Claude Simon, une véritable fascination du monde des lettres françaises pour l'œuvre de Bacon. Alors, à côté de vous, un écrivain français d'aujourd'hui, Yannick Haenel, fasciné aussi, je crois, par Bacon. Bonjour à vous, Yannick Haenel. Bonjour. Êtes-vous fasciné? Et si oui, de quelle manière par ce peintre? Bien sûr que je suis fasciné. J'avais vu la rétrospective, effectivement, de 96, ici même. Et moi, ce qui m'a frappé d'emblée en entrant dans cette nouvelle exposition, c'est la fraîcheur immense. Le caractère, je dirais, indemne de cette violence conjuratoire sur chacun des tableaux. Enfin, dès la première salle, dès qu'on voit ce pape... On est dans la première salle, justement. On est dans la première salle, dès qu'on voit ce pape sur fond rose, on est saisi par l'envers de ce qu'on pourrait appeler l'épaississement de la sensibilité. Aujourd'hui, on est tous anesthésiés par des formes qui nous imposent leur sens. C'est ça, la torture. Il n'y a pas de torture dans la peinture de Bacon. Il y a tout au contraire quelque chose qui ne cesse de se réveiller. Moi, c'est l'effervescence de cette exposition qui m'a redonné confiance, je dirais. Et alors du coup, effectivement, moi j'y entends, j'y vois, j'y lis quelque chose qui relève de ce que Georges Bataille appelait une expérience intérieure. Il y a la mort de Georges Dyer, il y a l'enfer, l'infernalisation de tous les rapports humains qui sont ici accrochés, et depuis laquelle, cette infernalisation, Bacon essaye tout simplement de trouver des propositions d'existence, de vivre. Enfin, c'est une peinture extrêmement, non pas vitaliste, mais vitale. Et voilà, c'est très troublant et très dramatique, très beau aussi de voir tout ce qui va être peint à partir de George Dyer, tous ces triptyques, comme s'il était allé chercher son Eurydice, qu'il avait malmené, il s'était fait malmener par elle et lui, vous voyez, dans l'ambiguïté. Mais voilà, il s'agit de grandes peintures, il s'agit de grandes vies. Alors on va revenir sur beaucoup des thèmes que vous abordez ici, Yannick Haenel, tout au long de cette émission. Je voudrais revenir d'abord sur le terme que vous avez employé, de fraîcheur. Oui. Est-ce que, en visitant pour la première fois cette exposition, vous avez été étonné finalement par cette fraîcheur qui en effet saute aux yeux pour un peintre qu'on a coutume de qualifier, de placer du côté morbide finalement? Alors je le connaissais, je l'aimais. Mais de fait, le dispositif, si je puis employer ce terme, le dispositif de cette exposition rend cette fraîcheur palpable, rend cette effervescence essentielle, parce que je pense que Bacon fait partie de ces peintres, comme le Caravage, qui affronte... Un livre sur le Caravage. Oui, alors du coup, je vois mieux Bacon depuis le Caravage, hein, j'espère, mais il fait partie de ces peintres qui affrontent la violence pour la dénuder. Bacon n'aime pas la violence. Ça se saurait si c'était une apologie de la violence, ces tableaux. C'est tout le contraire. Elle est enfin dénudée, comme dans Bataille, comme dans Proust. Et en cela, je pense qu'il y a un apport de pensée. Vous voyez, c'est comme quand on lit de la philosophie, quand on lit de la poésie. Se trouver dans une exposition comme celle-ci, c'est bénéficier d'une prodigalité de pensée. Voilà. Donc c'est frais, c'est toujours frais la pensée. Didier Ottinger, la fraîcheur, elle vient peut-être aussi de quelque chose qu'on oublie peut-être également en pensant à Bacon, c'est la couleur, et des couleurs qui sont absolument éclatantes, presque fluorescentes. De ça non plus, on ne parle pas souvent. Bah, c'est vrai que l'exposition est frappante, y compris pour nous, hein, qui l'avons conçue et accrochée. On découvre là un registre chromatique assez inattendu, des jaunes absolument, incandescents, des bleus profonds, électriques, des oranges, là aussi, avec une intensité maximale. Et quand on travaille avec les restaurateurs, comme on l'a fait ici pour accrocher l'exposition, on est confronté à leur regard sur les tableaux et à la façon dont ils nous font découvrir les techniques expérimentales que ne cessait de mettre en œuvre Bacon pour intensifier encore davantage ses couleurs. C'est un expérimentateur aussi. C'est un grand expérimentateur. C'est quelqu'un qui va jusqu'à souffler des pigments presque purs sur une toile qui est encore un peu poisseuse, sur une peinture qui n'est pas totalement sèche, d'où l'usage des glaces qu'il impose à la surface de ses tableaux. Il ne peut pas les vernir. Mais il est sans arrêt. Et on le voit bien, les oranges, plus on avance dans le temps, et plus ils deviennent électriques, intenses. J'ai l'habitude toujours de lire la même chose. Pour commencer, j'ai beaucoup lu Shakespeare, bien sûr. J'ai lu les Grecs de Eschyle et Sophocle et tous ces gens-là que j'aime. Et pour moi, ça m'a tellement touché, mais c'est seulement en traduction que je les ai lus. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup perdu. Et puis, Racine, que j'ai lu beaucoup, et Proust, qui m'a beaucoup, beaucoup dit. Mais avant, dans la poésie, avec Baudelaire, Rimbaud... Alors Didier Ottinger, on est ici dans la première salle. Est-ce que vous pouvez être nos yeux un petit peu et nous décrire ce qu'il y a? Alors, on est confronté à un tableau, évidemment, un des tableaux les plus célèbres de Francis Bacon, qui est en fait ici une réinterprétation par Bacon de ce tableau célèbre. Ce tableau, c'est un tableau de 1946 qui s'intitule Painting, et qui est célèbre parce qu'il a été acquis 2 ans après sa réalisation par le MoMA de New York. Ce qui était extrêmement audacieux pour l'époque, parce qu'en 48, Bacon, c'était pas grand-chose. Or, le MoMA de New York, qui est effectivement dans un milieu qui affirme que la prééminence en matière de peinture d'avant-garde, c'est désormais la propriété de l'école de New York, se tourne vers ce Francis Bacon et a fait l'acquisition du tableau. En 71, Bacon, qui veut évidemment jalonner son œuvre de la façon la plus complète dans sa rétrospective, envisage de présenter le tableau du MoMA. Les restaurateurs du musée lui disent non, il est dans un pauvre état, on ne peut pas sans dommage pour lui le faire voyager. Bacon entreprend une réplique, celle-ci, où il modifie, vous le voyez si vous connaissez le tableau dans sa première version, il modifie totalement le fond, la technique, le dessin. Est-ce pour en faire ce un qu'il tableau. Représente Alors, c'est un tableau, là aussi, grande histoire, tableau qui permet de rattacher Bacon à ses racines surréalistes. C'est un tableau qui est presque un cadavre exquis. C'est pour ça que j'emploie le terme de surréalisme. C'est un personnage qui est sous un parapluie, lui-même sous une carcasse de viande ornée de guirlandes, de fleurs dans la partie supérieure. Et Bacon donc réalise cette copie dans la perspective de l'exposition de 71. Finalement, après de longues tractations, le tableau du MoMA est prêté. Et que fait Francis Bacon? Et c'est là que c'était différent pour nous. Il décide dans l'accrochage de juxtaposer la version de 46 et la version de 71. Comme pour dire à ses visiteurs, voilà, voilà où j'en suis. J'ai fait ce chemin et aujourd'hui, je suis capable de faire mes tableaux en mieux. Et c'est tout à fait cohérent par rapport à l'expression constante de la conscience qu'avait Bacon de ses moyens. On peut considérer que pendant des décennies, il était conscient de ne pas maîtriser la technique qui lui permettrait d'accomplir son projet artistique. C'est vraiment dans les années 70 qu'un déclic se produit, et là, ça donne ce genre de confrontation qu'il peut assumer et même valoriser. Yannick Hennel, sur cette autre simèse, trois portraits et aussi un autoportrait parmi ces trois portraits. Que vous inspire-t-il? Qui voyez-vous? Alors il y a à droite Jacques Dupin, il y a à gauche Michel Léris, et au milieu un autoportrait de Bacon. 76 pour Léris, 76 pour l'autoportrait, 90 pour Dupin. Ce que ça m'inspire, c'est que tout simplement on est dans chacun des tableaux, on est dans un face-à-face avec ce qu'il en est de l'être, au fond. J'ai pas spécialement une lecture philosophique au fond de la peinture, encore moins de Bacon, mais tous les autoportraits qui jalonnent et cette exposition et l'œuvre entière de Bacon relèvent de ce qu'on peut essayer d'imaginer, de ce qu'il en est, de ce qu'il en serait de regarder la mort en face. Vous vous souvenez les derniers autoportraits de Picasso, on a cet œil dans lequel on entre, qui semble vider la planète, enfin, ou devenir le globe. Et ici, moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont il s'est entouré, si je puis dire. Enfin, là, c'est peut-être Didier Ottinger qui a choisi ça, mais dont Bacon est entouré dans une sorte de cortège, au fond, par deux grands écrivains français qui l'ont commenté et qui l'ont non seulement compris, mais qui l'ont aimé, je pense. Léris est parmi les plus grands commentateurs de Bacon. C'est lui qui a dit que ce qui se passait dans les tableaux de Bacon relevait à la fois de l'étal, donc la boucherie, et l'écrin, la délicatesse. On parlera justement jeudi de Bacon et de ses deux grands écrivains. Alors je crois, Yannick Hennel, je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais que vous allez passer une nuit justement dans ce musée, sous ces tableaux. Comment vous préparez-vous à ce qui est à la fois très beau et peut-être aussi un peu une épreuve? Ah, je suis assez terrifié, je dois dire. Mais c'est une terreur que j'ai envie de traverser. Je pense que ce qu'on voit là dans toutes les salles, c'est la manière dont un artiste tente de traverser la mort. Je vois pas quel pourrait être l'autre sujet, surtout a fortiori chez quelqu'un qui s'est employé à faire en sorte que ce soit la peinture elle-même qui devienne le sujet. Donc la rencontre entre les vivants et les morts. Alors bah écoutez, oui, j'espère que ça se fera déjà d'une part, mais il y a ce projet de livre avec les éditions Stock. Ils ont commencé cette collection et on m'a proposé de passer la nuit ici même. J'espère qu'ils seront d'accord à Beaubourg avec les tableaux de Bacon. Je ne sais pas comment on fait pour endurer une nuit comme ça. Elle sera nécessairement blanche. Moi, je serai enfin seul, en silence, avec un peu de lumière ou pas du tout. Ou je ne sais pas comment on fait dans ces cas-là. La torche. Une torche. Voilà, comme à Lascaux. Il y aura quelque chose qui va se jouer de l'origine du regard. Enfin, j'adorerais ça, évidemment. J'espère qu'une expérience véritable aura lieu. En tous les cas, je vais écrire, je vais penser, je vais dormir sous certains tableaux. Enfin, c'est un privilège immense. Enfin, rien que d'y penser, le plaisir se déferle. Mais c'est pas la première fois que vous allez parler de Bacon dans un livre. Je crois que dans Cercle, déjà, vous faites référence à une de ses peintures. Oui. Et si je me souviens bien, il y a une de vos personnages qui ne comprend pas exactement ce qu'elle voit, parce qu'elle a justement l'impression d'être en face de quelque chose de terrible. Et elle ne comprend pas finalement toute la vie qu'il y a dans ces tableaux. Qu'est-ce que vous aviez voulu raconter finalement en mettant ce tableau dans votre roman de 2007, Cercle? En l'occurrence, c'était une danseuse, et je trouve qu'elle avait raison de ne pas comprendre. Bacon lui-même n'arrête pas de dire il n'y a pas quelque chose à comprendre, il y a peut-être quelque chose à vivre, il y a peut-être quelque chose à rouvrir. Je parle des yeux. Enfin, la peinture est faite sans cesse et se refonde sans cesse pour nous réapprendre à voir. On va finir par ne plus rien voir. Quand cette danseuse, je l'imaginais cherchant des flèches, et Bacon met des flèches lui-même, donne des directions silencieuses à l'intérieur de ces scènes sacrificielles. Elle cherchait de nouvelles indications pour danser. Et donc, effectivement, elle sentait bien cette femme, et je m'employais à raconter ça, comment la peinture nous indique une autre manière de vivre le corps. Enfin, et peut-être la danse est l'expression la meilleure pour dire ce qui se passe dans la peinture. Alors moi, je ne suis qu'un écrivain, donc j'ai les mots, mais le silence aussi, c'est une grande forme de langage. Voilà. Ces flèches, Didier Ottinger, qu'on retrouve en effet dans beaucoup de tableaux de Bacon. On imagine que, enfin, probablement, elle vient d'un ouvrage qui est une des sources iconographiques très importantes pour Bacon, qui est un ouvrage médical consacré à la radiologie. Bacon se passionnait pour les ouvrages médicaux. On sait que lors de son premier séjour à Paris, il avait rapporté comme un trophée un ouvrage qui faisait état, il était coloré, qui faisait état des maladies de la bouche. Et il trouvait ça absolument merveilleux, toutes ces altérations que la maladie peut faire subir à une bouche, à une langue, etc. Un peu plus tard, il fait l'acquisition de ce livre, à peu près dans le même esprit, Positioning in Radiography, un titre en anglais qui montrait comment il fallait, un ouvrage à l'usage des radiologues, comment il fallait placer un corps humain sous l'objectif pour pouvoir produire une image au rayon X. Ces détails anatomiques étaient généralement cernés et précisés par une flèche. Et c'est effectivement cette conjonction entre les cercles qui dessinent des détails sur des anatomies et la flèche qui commence à apparaître dans les tableaux de Bacon. Et après, chacun des éléments trouve son autonomie et la flèche devient un élément soit de précision, soit généralement de composition. Alors je vous propose de passer à la deuxième salle de cette exposition. Joseph Conrad, The Heart of Darkness. Anything approaching the change that came over his features I have never seen before and hope to never see again. Oh, I wasn't touched. I was fascinated. It was as though a veil had been rent. I saw on that ivory face the expression of somber pride, of ruthless power, of craven terror, of an intense and hopeless despair. Did he live his life again in every detail of desire, temptation, and surrender during that supreme moment of complete knowledge? He cried in a whisper at some image, at some vision. He cried out twice, a cry that was no more than a breath. The horror. The horror. Donc on est là, Didier Ottinger, face à trois grandes simèzes qui nous entourent, avec trois grands triptyques, encadrés toujours en doré. Ça, c'est votre choix, l'encadrement? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est Francis Bacon. À partir d'un certain moment, c'est-à-dire assez tôt, en fait, dans sa carrière, il décide que tous ses tableaux, qui par ailleurs ont le même format, le format le plus grand dont il puisse disposer, mais surtout qu'il puisse sortir de son minuscule atelier, il décide de faire encadrer systématiquement par un encadreur allemand vivant à Londres ses tableaux avec le même type de profil et toujours protégés par une glace. Évidemment, pour résoudre des problèmes qui sont liés à sa technique et à son impossibilité de revêtir la surface d'un vernis. Le cadre doré a quelque chose d'assez bourgeois et du coup peut-être d'inattendu dans le contexte. Ça n'a pas dû faciliter la compréhension moderne ou contemporaine de l'œuvre de Bacon, puisqu'évidemment ce type de cadre renvoyait à la grande tradition des musées et en particulier à ce Velázquez qui vénérait tant. Mais vous imaginez qu'à l'âge de Pollock, de Barnett Newman ou de Rothko, produire des cadres de ce type-là, vous discréditez pratiquement, vous sortiez du jeu de l'art moderne. Alors justement, Didier Ottinger, tout à l'heure vous avez parlé de New York, vous avez dit que c'était à cette époque-là la grande capitale de l'art, avec l'art abstrait qui s'y déploie davantage qu'à Paris, davantage qu'en Europe. Bacon, lui, continuera toujours d'être un peintre figuratif. Est-ce que ça lui pose des difficultés ? Est-ce que il est considéré comme ne faisant plus partie, peut-être à un moment, de l'avant-garde ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors c'est vrai qu'il faut regarder les choses avec un peu plus de nuance, avec le recul, et en particulier quand on est face à ces fonds et à la façon dont Bacon colore ces fonds, on ne peut pas ne pas penser à Mark Rothko en particulier. Il a cette peinture-là de la grande abstraction américaine présente à l'esprit. Ça fait de lui quand même quelqu'un qui dialogue avec l'art, entre guillemets, le plus avancé de l'époque, même si le fait qu'il introduise des figures sur ces fonds de Mark Rothko le discrédite aux yeux d'une certaine avant-garde, il reste quand même dans cet univers visuel-là. Et d'autre part, les sources qui sont les siennes, revendiquées par Bacon en permanence et depuis le début, c'est-à-dire la photographie et le cinéma, le renvoient aussi à une certaine idée de l'art contemporain qui fera qu'il sera l'exact contemporain dans la partie la plus tardive de son œuvre de quelqu'un comme Andy Warhol, à la fois par l'usage chromatique et par cette référence dans une iconographie mécanisée. Mais donc il cherche à se mesurer quand même à cette école qui est peut-être dominante. Je crois qu'il a dit les œuvres de Rothko sont les plus mornes qui soient. Et de fait, dans certains de ses tableaux, il reprend des techniques de fond qui sont celles de Rothko. C'est vrai qu'il se défend. Il se défend dans un contexte où effectivement le modèle dominant qui discrédite sa pratique, c'est celle qui s'appuie sur l'exemple de ses grands maîtres de l'école de New York. Donc, il doit lutter contre ça. Mais en même temps, il ne se positionne pas à ce niveau-là. Il se positionne à un niveau bien supérieur, en dénigrant précisément cette abstraction qui a fait l'économie de ce qui, pour lui, est l'essentiel, c'est-à-dire la dimension tragique, même si chez Rothko, on sait qu'il y a une tragédie latente. Yannick Hennel, sur la question de l'abstraction et de la figuration chez Bacon. Ben moi, ce que je vois en premier, à chaque fois, dans cette seconde salle, ce sont les ombres. Bacon, pour moi, quand je ferme les yeux dans mon lit et que j'y pense, je vois une ombre qui semble gesticuler, comme cet animal qui bondit en nous. Je crois que dans Deleuze, dans Logique de la sensation, enfin le grand livre sur Bacon, dit que les ombres de Bacon sont comme des animaux. Et c'est très frappant de voir que peut-être Bacon a reconnu cette ombre qui va devenir son grand motif. Dans un tableau de Van Gogh de 1888 qui est brûlé, figurez-vous, c'est le peintre sur le chemin de Tarascon, où on a une ombre baconienne. Enfin, Bacon lui-même ne l'a pas vue parce qu'elle a brûlé dans les bombardements de Magdebourg et Dresde en 45, mais il a été obsédé par cette ombre portée de Van Gogh au point de répéter ce geste en 57. Il a fait 6 ou 7 tableaux. Et ici, là, aujourd'hui, je vois encore cette ombre comme étant ce qui va absolument néantiser le débat pour moi entre abstraction et figuration. Ça n'a aucun sens. Bacon est celui qui prodigieusement a réussi à faire en sorte que ce soit les deux, enfin qu'il y ait les deux. Bacon avait un rapport très polémique, je crois, avec la peinture abstraite. Il disait que c'était de la décoration. Et j'entends dans son sarcasme. Il était décorateur. Oui, mais j'entends dans son sarcasme le fait que peut-être l'art abstrait, selon lui, se prive du tragique. Et le tragique, ça s'articule et ça se désarticule. C'est-à-dire, le tragique, ce sont des corps qui sont voués à la mort et qui peuvent éventuellement renaître. Voilà pourquoi Deleuze a choisi ce terme intermédiaire de figural, qui a l'air un peu presque pharmaceutique, enfin un peu inquiétant. Mais voilà, il s'agit de Kafka parlait d'assaut immobile dans les tableaux qui semblent nous sauter à la gorge de Bacon, surtout quand il se déploie de manière spirituelle, je dis ça comme ça, en trois parties, en triptyque. Il s'agit d'un assaut et qui pourtant reste face à nous, la vitre nous protégeant, nous, de cet assaut de peinture. Sur cette salle, Didier Ottinger, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Cette salle rassemble trois tableaux qu'un critique américain avait qualifiés en 1975 de triptyque noir. Alors vous voyez, ils ne sont pas spécialement sombres dans leur chromatisme, mais ils sont noirs dans le sens où ils célèbrent, ils remémorent cet événement tragique qui est la mort de Georges Dyer dans cet hôtel de Paris en 1971. Dont il a pu se sentir coupable aussi. Il s'est senti coupable, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard lorsqu'on parlera d'Eschyle. Effectivement, il emprunte à Eschyle, à partir de 1971, un des motifs absolument importants de la trilogie de l'Oresti, c'est la figure des Euménides, qui vont dire cette culpabilité de Bacon. Eschyle, l'Oresti, les Euménides. J'entre au fond du sanctuaire couvert d'offrandes et je vois, près de l'ombilique, un homme souillé de sacrilège, assis en suppliant, qui serre dans ses mains dégouttantes de sang une épée fraîchement tirée et un long rameau d'olivier soigneusement enveloppé de bandelettes, ou, pour mieux dire, comme une éclatante toison. Devant cet homme, une étrange troupe de femmes est endormie sur des sièges. De femmes, je veux dire, de gorgones. Non, ce n'est pas aux gorgones qu'elles ressemblent. Je les ai déjà vues un jour sur une image, ces harpies, ravissant le repas de Finée. Mais celles-ci n'ont pas d'ailes. Elles sont noires, absolument repoussantes. Didier Ottinger, vous avez donc choisi de mettre en regard la peinture de Bacon avec des auteurs de toutes les époques. C'est aussi parce que Bacon, à un moment donné, a redécouvert la littérature et la narration. Quand on parlait tout à l'heure de l'abstraction et de la figuration, peut-être qu'on peut dire que Bacon était aussi dans la figuration parce qu'il était proche de la narration. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est aller trop loin ? Oui, c'est aller trop loin. Bacon n'a pas redécouvert la littérature. Dès les années 30, on sait qu'il est un lecteur passionné, il assiste à un certain nombre de représentations de pièces, en particulier de T.S. Eliot. Et il ne parle pas de la littérature pendant des années, voire des décennies. Et on comprend très bien pourquoi. La doxa moderniste, celle qui est à la base du formalisme abstrait américain, a opposé radicalement, mais vraiment de façon dogmatique, l'expression picturale et la littérature. Pour quelle raison ? Alors, au nom de la définition même du formalisme abstrait, c'est-à-dire l'exploration des composants spécifiques de l'art, comme on disait à l'époque. On ne raconte rien. On raconte le tableau. On raconte sa fabrique, on raconte sa matière, on raconte ses composants, mais on ne raconte pas au-delà de ce que le tableau lui-même constitue physiquement et matériellement. C'est une théorie qui a force de loi jusqu'aux années 70, parce que c'est encore à elle que se réfèrent les artistes de support surface qui exposent pour la première fois au moment de l'exposition du Grand Palais. Donc, vous voyez, on est bien là-dedans. Les choses semblent se libérer pour Francis Bacon au tournant des années 70, encore une fois. Pour des raisons qui sont liées effectivement aux événements que l'on a déjà évoqués, cette espèce de prise de conscience qui est la sienne du travail accompli et du chemin à parcourir, mais également parce qu'on est dans un moment qui commence à évoquer ce qui va bientôt être qualifié de postmodernisme, c'est-à-dire d'un moment qui va permettre à nouveau une pratique de la peinture figurative après ces années de formalisme abstrait, qui va permettre également d'affirmer de la part des artistes leur relation avec des sources littéraires. Ça va être la génération qui va éclore dans les années 80 avec des figures qu'on connaît bien en France comme Gérard Garouste, qui s'inspire de la mythologie. C'est Albert Hola qui s'inspire des grands textes littéraires. C'est Anselme Kiefer qui s'inspire de la poésie allemande. Donc, il y a là un moment qui rend à nouveau possible l'expression des connivences entre peinture et littérature. Donc le dernier Bacon que vous exposez ici est un Bacon postmoderne. On peut dire qu'il a été postmoderne dès les premiers temps, mais simplement il ne l'affirmait pas. Il était un postmoderne coupable jusqu'aux années 70 et totalement assumé effectivement après 71. Alors pourquoi Eschyle ? Alors Eschyle, Bacon le découvre en 1939 dans une pièce qui est donnée à Londres et à laquelle il assiste à plusieurs reprises, qui est la réunion de famille de T.S. Eliot. Pièce qui transpose dans l'Angleterre contemporaine le récit précisément de l'Orestie. À partir de là, Francis Bacon se passionne pour Eschyle. Il découvre en 1942 l'ouvrage d'un érudit irlandais consacré à Eschyle. Il le lit passionnément. Et puis après, il y a toute une série de rencontres, y compris avec Isabelle Lambert, avec un cercle littéraire anglais qui est lui-même passionné par Eschyle et la tragédie antique. Et la tragédie, c'est aussi, on y revient toujours, la mort de Dyer. La tragédie, au-delà de cela, je pense que c'est ce qui constitue le fil rouge entre ces différents auteurs. C'est la conception d'un monde que je dirais à la fois polarisé et réconcilié dans ses polarités. Yannick Enel, sur cette salle et puis sur Eschyle. Je crois que Bacon disait lui-même, si je me souviens bien, qu'il recevait souvent la visite des furies, c'est-à-dire des homénides, enfin des démons vengeresses. Et faut se souvenir quand même d'une chose, c'est que dans Eschyle, enfin dans l'Orestie, dans cette trilogie, là aussi il y a trois panneaux, il s'agit de changer quelque chose dans la juridiction divine. À partir de là, ce ne sera plus la mère, si je puis dire, je schématise à outrance, mais c'est plus la mère qui va dominer. Et le fait de tuer sa mère ne sera plus jugé de la même manière, de manière aussi sévère. Oreste est un fondateur. Donc le matricide qui irrigue, je dirais de manière métaphysique, au fond, la vie de la vie et l'œuvre de Bacon et cette exposition, enfin, ça nous saute aux yeux. Il ne s'agit pas seulement d'un jeu de massacre. Plus que le patricide. Exactement. Alors même qu'il détestait son père, enfin, il avait des rapports très compliqués avec son père, mais je pense qu'un grand artiste de manière obscure ou très claire, comme Proust et tous les autres, c'est quelqu'un qui ne cesse de tuer sa mère. C'est-à-dire de remplacer le lieu d'où il est sorti, le corps de la mère, par quelque chose qui s'appelle l'art. Enfin, donc ça, c'est quand même la grande chose de la métaphysique occidentale. Et ici, ça saute aux yeux de manière terrible. Enfin, l'Orestie, c'est aussi quelque chose qui a obsédé Georges Bataille. Donc dans cette exposition, il y a Eschyle, T.S. Eliot, Bataille, même Léris est travaillé par la tragédie grecque, Nietzsche n'en parlons pas, la naissance de la tragédie. Il y a une très grande cohérence dans les lectures de Bacon. Vous venez de citer là donc les différentes étapes finalement de cette exposition. Absolument, de ce qui scande cette exposition. Pour moi, c'est une exposition historique aussi. Évidemment, je suis très heureux puisque la littérature, qui Didier Ottinger l'a dit, passait pour réactionnaire dans la deuxième partie du XXe siècle face à l'avant-garde ou de ce qui s'affirmait l'avant-garde picturale, on se rend compte grâce à cette exposition et à travers l'œuvre de Bacon qu'elle est un stimulant pour les artistes, qu'elle vient irriguer comme le sang quelque chose qui implique non pas un geste illustratif mais une recréation incessante. Et à l'inverse, la peinture vous inspire en tant qu'écrivain? Là, je crois que c'est... Et alors là, on retombe sur l'idée quand ça se joue en France. Enfin, c'est quand même la grande chose depuis les salons écrits et décrits par Baudelaire, puis Diderot, le Manet de Bataille, Claudel et la peinture flamande. Il y a une histoire d'amour entre la littérature française et l'histoire de la peinture, c'est indéniable. Friedrich Nietzsche, la vision dionysiaque du monde, la naissance de la tragédie. Les Grecs, qui dans leur dieu expriment et taisent à la fois la doctrine secrète de leur vision du monde, ont instauré comme double source de leur art deux divinités, Apollon et Dionysos. Ces noms représentent dans le domaine de l'art des styles contraires, qui, quoique presque toujours en conflit, s'avancent du même pas, et qui, une seule fois, au moment de la floraison de la volonté hellénique, paraissent confondus dans cette œuvre d'art qu'est la tragédie athénienne. L'homme, en effet, atteint la volupté d'exister dans deux états, le rêve et l'ivresse. L'art dionysiaque repose sur le jeu avec l'ivresse, avec l'extase. Il y a deux puissances qui, plus que tout autre, élèvent l'homme naïf de la nature jusqu'à l'oubli de soi et l'ivresse. Ce sont l'instinct printanier et la boisson narcotique. Leurs effets sont symbolisés dans la figure de Dionysos. Alors, on est dans un espace ici... où sont confrontés certains tableaux de Francis Bacon et une lecture de l'origine de la tragédie de Nietzsche. Avec, évidemment, des tableaux de nature très différente, puisque là, vous avez un tableau qui rend compte de la tragédie de l'histoire, grand sujet qui a obsédé Bacon pendant des décennies. Donc c'est également un triptyque qu'on peut tenter de décrire. Alors, oui, Bacon pendant des années a le projet fou de résumer l'histoire de l'Europe moderne dans un triptyque. Et il creuse l'iconographie extrêmement abondante dans son atelier, puisqu'elle jonche littéralement son atelier, et il exhume deux photographies qu'il va transposer ici. À gauche, une photographie prise en 1919 qui représentait le président américain Woodrow Wilson qui sortait du Quai d'Orsay où il venait de paraffer le traité de Versailles. Et à droite, un détail d'une photographie qui est celle de la scène de crime de Léon Trotsky au Mexique en 1940. Donc, Bacon nous dit, le XXe siècle, c'est ça. C'est-à-dire les guerres qui ont déchiré cette Europe et les idéologies politiques en particulier, qui ont été un autre facteur de dissension et de séparation de cette Europe. Au centre, ce qui est remarquable également, c'est qu'on voit une représentation de son amant après George Dyer, qui est John Edwards, et là on voit que le traitement n'est plus du tout de même nature, il n'a plus de compte à régler, il n'a plus à défigurer les personnages avec lesquels il est lié, mais au contraire, on le voit le représenter avec une infinie tendresse, délicatesse. On est dans un autre univers sentimental pour Francis Bacon. Autre tableau, si on peut rester dans cette logique. Alors juste en face, qui n'a vraiment rien à voir pour le coup, puisqu'il s'agit du tap water, c'est-à-dire du robinet d'eau. Voilà, et j'imagine, je ne sais pas si c'est fondé, que ce tableau peut constituer l'aboutissement d'une quête de Francis Bacon visant à donner une forme dionysiaque à la peinture. Ce qui, a priori, est complexe, si on écoute Nietzsche, parce que Apollon est le dieu qui régit l'ordre pictural et l'ordre sculptural. Mais Dionysos est ailleurs. Or, Dionysos peut fournir également un registre formel qui a été théorisé par quelqu'un qu'on retrouve un peu plus loin, qui est Georges Bataille. Et ceci s'appelle l'informe. Au fond, l'informe, c'est le dionysisme en acte dans la peinture. Et là, Bacon réalise cette représentation de l'eau qui coule d'un robinet et il désigne ce tableau en 85 à David Sylvester dans son atelier comme le tableau le plus parfait qu'il ait jamais réalisé. On voit là qu'il atteint son objectif. Et quand Sylvester s'étonne de cette remarque de Bacon, il dit « Mais pourquoi ?» Bacon répond par un seul mot « Immaculate ». Ce tableau est immaculé. Yannick Enel, est-ce que pour vous aussi c'est le plus beau tableau de Francis Bacon ? J'ai été très frappé par ce tableau que je n'avais déjà tout simplement jamais vu. Et c'est pas l'un des plus célèbres, je me trompe? Écoutez, je sais pas, mais c'est l'un des plus frais en tous les cas, comme on disait tout à l'heure. Moi, je suis très frappé dans cette exposition par les dunes, donc par le sable, par les jets d'eau, par tout ce qui va à l'encontre de l'iconographie soi-disant cruelle, classique, habituelle, dont on rapproche le nom de Bacon. Ici, il y a quelque chose qui, pour moi, rattache Bacon. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Enfin, c'est une expérience toute personnelle qui le rattache à Turner, enfin, à un peintre qui va, dont le devenir illimité, dont l'illimitation de l'univers devient montagne, océan. Il s'agit d'explorer le corps humain à travers le dehors du corps. Et donc ce robinet là qui est pris dans un cube étrange qui est à la fois convexe et concave, où il y a également un tranchoir, enfin moi j'y vois aussi une forme de guillotine, enfin quelque chose vient couper non pas le flux mais l'idée même qu'on puisse le loger quelque part. On est là dans un espace-temps qui justement déjoue complètement cette vieille opposition entre abstraction et figuration. Et là, la vitre, je la vois vraiment, et c'est l'un des sujets de cette exposition, pour moi, c'est stupéfiant. Et juste avant de venir, je lisais dans Bataille, je crois que c'est dans Le Coupable, une définition du sacrifice par Georges Bataille. Il dit, c'est une rayure sur une vitre. Et le sacrifice, comme vous savez, il s'agit de séparer le monde profane du monde sacré. Si on s'arrête de séparer, alors tout devient détruit, enfin. On court à la mort. Enfin, on a tendance à dire aujourd'hui, dans nos mondes occidentaux, planétaires, que tout est devenu profane. Mais si tout est devenu profane, ça veut dire que tout est sacré aussi. Donc on va vers la destruction. Là, on voit l'acte même, peut-être que j'intellectualise trop, mais je le sens comme ça, on voit quelque chose qui a à voir avec le désir au couteau de séparer. Bacon est quelqu'un qui a le sens non pas religieux du sacrifice, mais sacré, tragique, grec au fond, de couper. Je sens que vous allez installer votre lit de camp dans la partie la plus solaire de l'exposition, soit sous les dunes là-bas, soit sous l'eau qui jaillit. Tess Eliot, The Wasteland. L'enterrement des morts. Avril est le plus cruel des mois. Il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte. Il mêle souvenance et désir. Il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. L'hiver nous teint au chaud de sa neige oublieuse, couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie. Quelle racine s'agrippe, quelle branche croisse parmi ces rocailleux débris. Oh, fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant qu'un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil. L'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau. Point d'ombre. Si ce n'est là, dessous ce rocher rouge, viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge. Didier Ottinger, on a avancé encore un petit peu dans cette exposition et nous nous trouvons ici dans un carré qui est en lien avec cette fois un autre écrivain, mais pas un écrivain français. Avec T.S. Eliot et en particulier avec le Westland, donc un des poèmes que Bacon disait connaître absolument par cœur. Et c'est vrai, on le voit dans certaines interviews, le réciter comme ça de mémoire parfaitement. Et cette lecture de Eliot est mise en relation avec un triptyque, une nouvelle fois, que Bacon désigne lui-même comme étant inspiré par un texte d'Eliot, pas le Westland, mais un texte qui est Sweeney agoniste. Et là, ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est qu'il est antérieur à la période que nous considérons. C'est-à-dire que c'est un tableau de 1967 et on voit le chemin accompli par Bacon. Le tableau est surchargé chromatiquement, là où il va se décanter, se purifier, s'intensifier dans les années suivantes. Il est aussi surchargé iconographiquement. Il y a des détails, un paquet de cigarettes, un moulin à café, un téléphone, etc. Là où il va simplifier à l'extrême son iconographie dans le temps qu'il lui reste à vivre. Et puis il y a aussi le traitement des figures avec cette matière associée aux chairs de Bacon, où il semblerait qu'il cherche à restituer la texture même de la viande à la surface du tableau. Quelque chose dont il va s'émanciper également dans les années passées. Au cœur des ténèbres, je n'étais pas touché. J'étais fasciné. C'était comme si un voile s'était déchiré. Je vis sur ce visage d'ivoire se peindre l'orgueil sombre, le pouvoir implacable, la terreur abjecte, le désespoir intense et absolu. Revivait-il sa vie dans tous ses détails de désir, de tentation et d'abandon pendant cet instant suprême de connaissance totale? Il s'écria dans un murmure devant quelque image, quelque vision. Il s'écria deux fois, en une exclamation qui n'était qu'un souffle. L'horreur. L'horreur. Il y a un autre écrivain qui n'est pas français, qui est anglais, enfin, un peu français aussi, c'est Conrad. Oui. Il l'a beaucoup lu, Conrad ? Alors, il a lu Au cœur des ténèbres ? Il a lu en particulier Le cœur des ténèbres. Et c'est vrai que ça a résonné chez lui de façon extrêmement profonde, parce que c'est le grand roman de l'anticolonialisme. Or, Bacon appartient à une famille, sœurs, frères, mères, qui sont des protagonistes de l'essor colonial anglais. Il a réalisé dans les années 50 des voyages en Afrique du Sud, où il rendait visite à sa famille. Il a donc mesuré quel était l'impact et la prédation de la culture occidentale sur l'Afrique. En 1967, son intérêt pour Conrad est réveillé par sa rencontre avec un personnage qui est Peter Beard, qui est un reporter et photographe, qui vient de publier un ouvrage sur la destruction des éléphants au Kenya, victimes du trafic d'ivoire. Et il coagule ses souvenirs, les références iconographiques puisées chez Conrad, mais également chez Léris, pour former un triptyque qui est un triptyque que l'on pourrait dire anticolonial. Yannick Kennel. Chez Conrad, et c'est très beau de l'entendre ici, lu dans le roman Heart of Darkness, il est question au cœur des ténèbres, il est question de l'extermination. Le dernier cri de Kurt, c'est exterminer toutes ces brutes. Et moi, je pense qu'on peut entendre l'impact de cette phrase, l'impact de ce livre, l'impact de tous les livres ici qui sont mis en jeu dans la peinture de Bacon, de la même manière qu'on peut entendre en nous les impacts que cette peinture produit. L'extermination, c'est-à-dire l'horizon d'anéantissement de l'espèce humaine. Ce sont des choses qui, surtout, quand Bacon se met à peindre, enfin, ou à repeindre, si je puis dire, à la fin des années 40, début des années 50, va rimer avec l'âge atomique. La cybernétique et l'âge atomique sont des choses qui sont très prégnantes, enfin, dans le geste créateur, me semble-t-il, de Bacon. On ressent ça comme chaque tableau à la fois dégage l'horizon, une sorte de sobriété cinglante, et tente à nous faire entendre à quel point les êtres humains ne pensent qu'à l'hécatombe, ne pensent qu'à s'entretuer. Même quand ils ont l'air de faire l'amour, il y a des accouplements terribles, très beaux mais terribles dans la peinture. Là, on est un peu dans bataille. Bien sûr, oui. Vivre intensément à hauteur de mort. Enfin, on est presque dans le catéchisme inversé bataillien. Enfin, dans la manière qu'a Bataille de penser que l'érotisme ne commence que le foyer d'incandescence, pardon, ne s'allume. Qu'à la proximité même du néant ou de la mort. Alors Bacon n'est pas un peintre bataillien. Enfin, c'est quelqu'un dont l'indépendance d'esprit se libère de toute influence. Mais il y a un voisinage, il y a une proximité, il y a un dialogue qui est pas encore assez commenté, je pense, entre Bataille et Bacon. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, je crois pas. Vous connaissez bien Léris, mais Bataille non. Bataille meurt en 62, je crois. Bon, moi, je pense qu'il y a aussi Proust, au fond, chez Bacon. Alors, pourquoi voilà. Proust? Parce que, pour le coup, ça n'est pas une association immédiate, mais vous la faites dans la préface d'un livre que je n'ai pas encore, d'ailleurs, cité, qui s'appelle « Conversation oui. », et qui regroupe un certain nombre d'entretiens que Bacon a donnés avec des tas de personnalités. Alors, il y a Duras, bon, il y a aussi des journalistes de magazines, dont on ne citera pas le nom, qui ne font pas toujours des interviews qui vous conviendraient, d'ailleurs, Yannick Kennel. C'est surtout que ça ne convenait pas à Bacon, je crois. Ça convenait pas à Bacon. J'en riais. Bon, il y a des interviews aussi avec Jean Clair, où ouais. on découvre un Bacon... finalement un peu facétieux, enfin assez amusant. Donc Proust, pourquoi ? Oui, bon, d'abord de manière anecdotique, à chaque fois tous ces journalistes français, pour la plupart, ou allemands, l'interrogent sur sa vie. On a envie de leur dire de quoi je me mêle, enfin. Et d'autre part, ils ont l'air d'être fascinés, d'être émoustillés par l'idée qu'il vivrait dangereusement, qu'il aurait une sexualité débridée. Ils le comparent au Caravage. Et Bacon, imperturbable, les renvoie dans le ring. Et à un moment, il dit, mais seul Proust pourrait raconter ma vie. Manière de dire, bon, ma vie est bien plus complexe que cette petite débauche qui a l'air de vous émoustiller. Par ailleurs, Proust, c'est évidemment un écrivain bien plus dionysiaque qu'on ne le croit, bien plus violent. Toute la recherche du temps perdu est fondée sur des séquences que parfois je vois maintenant, relisant Proust, comme peintes par Bacon, enfin dans les bordels pour garçons, notamment dans les séquences de Lupanar, ce qui se passe dans le temps retrouvé avec les bombardements au-dessus de Paris, quelque chose de une consistance tragique, quasi infernale. L'enfer est là sans cesse, et l'art permet de le repousser. Didier Ottinger, aurait-il fallu rajouter Proust parmi les écrivains ? Oui, mais pas forcément pour les raisons que vous imaginez. Je me souviens d'une interview de Francis Bacon où on l'interroge à propos de Proust, et il dit au fond, c'est peut-être celui qui a donné la plus parfaite expression de ce qu'est le tragique. Ah bon ? On ne s'attendait pas nécessairement à ça. Et pour étayer ses propos, il cite l'épisode du temps retrouvé, en particulier de Charlus qui bute sur un pavé et s'écroule par terre. Et pour lui, cette confrontation entre ce qu'a été ce personnage et sa situation lorsqu'il se retrouve sur le pavé est l'illustration parfaite du tragique. C'est quelque chose, évidemment, qu'on pourrait retrouver également chez Shakespeare, si ce n'est le cœur même de la tragédie shakespearienne. Didier Ottinger, il nous reste assez peu de temps. On a juste la possibilité de faire une dernière station. Je vous laisse choisir laquelle. Michel Léris, miroir de la tauromachie. Dans la passe tauromachique, le torero, en somme, avec ses évolutions calculées, sa science, sa technique, représente la beauté géométrique surhumaine, l'archétype, l'idée platonicienne. Cette beauté tout idéale, intemporelle, comparable seulement avec l'harmonie des astres, est en relation de contact, de frôlement, de menace constant avec la catastrophe du taureau, sorte de monstre ou de corps étranger qui tend à se précipiter au mépris de toute règle, comme un chien renversant les quilles d'un jeu bien aligné, telles les idées platoniciennes. Alors, où se trouve-t-on ? Alors, on est devant une représentation d'une corrida qui est une image qui est consécutive à l'envoi par Michel Léris. Après la rencontre avec Bacon qui a lieu en 65, Léris revient à Paris et envoie à Bacon le dernier ouvrage qui vient d'être publié, c'est-à-dire une réédition de son miroir de la tauromachie. Quelque temps plus tard apparaissent dans les tableaux de Bacon les premières scènes tauromachiques. Et là, évidemment, on ne peut qu'être frappé par la façon dont Léris décrit la tauromachie en la comparant à ce qu'est la geste même du créateur, de l'écrivain, du peintre. En ceci, nous dit Michel Léris, que le torero est celui qui est capable de faire entrer la puissance la plus sauvage, la plus animale, la plus hirsute dans les orbes parfaites de la géométrie platonicienne. Et je crois que cette idée-là est précisément ce que, me semble-t-il, Bacon accomplit en réalisant dans ses tableaux cette confrontation entre ses figures, ses fonds, ses polyèdres, etc. La peinture de Bacon, c'est une arène dans laquelle il faut agir. C'est ce que Gilles Deleuze commente longuement. Effectivement, l'arène est un lieu très privilégié pour l'expression de Francis Bacon. Oui. Je voudrais terminer avec vous, Yannick Hennel, toujours dans ce livre Conversation que je citais à l'instant. Vous avez une préférence pour un dialogue entre Marguerite Duras et Francis Bacon. Qu'est-ce que ça donne, la rencontre de cette écrivaine et de ce peintre ? Ils délirent tous les deux, ils divaguent. C'est ça qui est beau. Ils se mettent à parler, si je me souviens bien, de Goya. Et il y a une espèce pas de compétition, mais de surenchère entre les deux. Ils essayent de qualifier Goya. Et à la fin, Bacon finit par dire que la peinture de Goya est comme des gouttes d'air en suspension. Et ce qui me frappe, c'est que précisément quand on parle avec quelqu'un de consistant, en l'occurrence Bacon a trouvé face à lui Duras, alors on se met à créer avec la parole. Et ce qu'il y a de beau, c'est que on le sait tous, mais les entretiens de Bacon, que ce soit avec Sylvester ou d'autres, sont des propositions à prendre très au sérieux. Enfin, c'est quelqu'un qui continue à penser en parlant. Voilà. Donc c'est un poète quand il parle à Marguerite Duras, Bacon. Mais c'est ce que je pense, oui, bien sûr. Bacon est un poète. Oui. Merci beaucoup, Didier Ottinger. Merci beaucoup, Yannick Hennel. Didier Ottinger, j'espère qu'on aura donné envie de venir voir cette belle exposition Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou. C'est donc jusqu'au 20 janvier prochain et vous en êtes le commissaire. Et puis Yannick Hennel, je rappelle que vous avez donc préfacé le recueil d'entretiens avec Bacon intitulé « Conversation » et publié à l'Atelier Contemporain. On peut aussi toujours lire de vous « La solitude de Caravage » publié l'an dernier chez Fayard et dont nous avions parlé ensemble la saison dernière dans la compagnie L'Émission. Et bien entendu, toujours en ligne. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Georges Thau et Martin Troidec. Demain, on continue à évoquer les liens entre Francis Bacon et les écrivains. On parlera surtout de Michel Léris et de Jacques Dupin en compagnie de Pierre Villard et de Dominique Viard. Dans un instant, vous retrouvez les sciences sur France Culture.